get on them floor. With them reggae down in Chi-Town. I'm talking about Chi-Town reggae. Yeah, hey, hey, hey, yeah. I'm walking all alone one night. One night. I'm looking for the disco light. So light. And I got place to reggae down floor. With them reggae down in Chi-Town. I'm talking about Chi-Town reggae. Yeah, hey, hey, hey. Rastamani show was right. Concrete jungle up at night. You can show enough get on down if you come and reggae down in Chi-Town. I'm talking about Chi-Town reggae. Yeah, hey, hey, hey, yeah, collier, anke bar san nou, ou te mwen doudou, anke pran plein jou, an osi la plaj, respire l'amou, pou nou pataje, on bon kalalou. Sus

like fingers in a glove. Come on and thrill me, fill me to the top with your love, and never let it stop. I want you to keep the love coming. I can never get enough of you. Keep it coming. Love me through and through. Why don't you keep the love coming? Don't ever let it end. Light the fire, then let the love begin. Early in the morning, every day and every night. Love that feeling. You make me feel so right. So come on and thrill me, share this love I feel. 'Cause love is the answer. If what you feel is real, then why don't you keep the love coming? I can never get enough of you. Keep it coming. Love me through and through. You to keep the love coming. Don't ever let it end. Light the fire, then let the love begin. Never get enough of you. Keep it coming. Be loving through and through. Why don't you keep the love coming? Don't ever let it end. Light the fire, then let the love. Les Mélotrons.com. Everybody, don't be selfish, but you can keep it. Your love ain't for me, it's for everybody. Don't be jealous, but you can keep it. Your love ain't for me, it's for everybody. Don't be selfish, but you can keep it. Your love ain't for me, it's for everybody. Don't be jealous. You can call me sir, sir, sir, sir, sir, sir. You can call me sir, sir, sir, sir, sir, sir. Selfish, call me sir, sir, sir, sir, sir, sir. Selfish, call me sir, sir, sir, sir, sir, sir. You can call me sir, sir, sir, sir, sir, sir. You can call me sir, sir, sir, sir, sir, sir. Selfish, call me sir, sir, sir, sir, sir, sir. Selfish, call me sir, sir, sir, sir, sir. Selfish, your love ain't for me, it's for everybody. Your love ain't for me, it's for everybody. Your love ain't for me, it's for everybody. Je m'appelle Paul Martin, j'ai 34 ans, je suis célibataire, je travaille dans une imprimerie à Roubaix. Souvent, je me demande si je rêve, si je n'ai pas tout inventé, si je ne suis pas en train de devenir fou. Écoutez mon histoire et croyez-la si vous le voulez. C'est une fille vraiment étrange. Elle a les yeux. Jamais arrivée et soudain, elle est là, à côté de moi, belle, pâle, mystérieuse, grave. Elle marche à mes côtés pendant quelques instants, puis elle disparaît brutalement, comme si elle était happée par la galaxie. C'est une fille vraiment étrange. Elle a les yeux. Qu'elle s'y mourait d'un froid éternel. Quand j'ai voulu la prendre dans mes bras, elle a disparu brutalement, comme si elle était happée par la galaxie. C'est une fille vraiment étrange. Elle a les yeux oranges. Elle a les cheveux d'un ange. your first time. Get going, I'll see you on the other side of the flag. Don't fill me up with words. Of the universe, of the universe, of the universe, of the universe. Don't fill me up with words. Oh, يخشون أنهم سمعوا في الدجى عويلا وعواء من الحدود. من يا ترى يعرف القتيل؟ من يا ترى يعرف القتيل؟ من يا ترى يعرف القتيل؟ Attention, je vais retransmettre pendant 15 secondes le signal sonore. TheMellotron.com. Thank you.